cinq grandes odes suivies de un processionnal pour saluer le siècle nouveau de Paul Claudel, enregistré par Christiane Jehan. Processionnal. La messe est dite, allons, l'action de grâce est finie, procedamus in pace nomine domini. Comme un lépreux dont la peau de nouveau est saine et dont les ulcères sont séchés, ainsi l'homme qui va en paix après la rémission de ses péchés. Comme Élie qui marcha 30 jours vers l'Horeb, montagne de Dieu, ayant mangé de la force de ce pain cuit à la hâte sous le feu, et comme les Hébreux qui, le bâton à la main, suivant le rite légal, mangeaient debout et les pieds dégagés pour la marche, l'agneau pascal, ainsi nous, comme les anciens patriarches qui fuyaient Sodome, campant sous le branchage et la tente, marchons, car nous n'avons pas ici d'habitation permanente. Ce matin, nous avons mangé dans la maison de notre père, peu de fils pour un si grand festin et pour une si noble chair, car elle est de la chair même et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort volontairement pour nous, pécheurs, ainsi que cela est écrit. Peu de fils restés fidèles, mais quand nous serions moins encore, notre foi n'en est pas ébranlée, car les promesses de Dieu ne passent point, et les paroles de l'homme ne sont que du vent et de la fumée. Un rire bref, comme le craquement des épines dans le feu, mais le pain que nous avons mangé est la chair et le sang du Fils de Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne que ce toit vous serve d'abri, mais dites seulement une parole, et celui que vous aimez sera guéri. Et maintenant la messe est dite, la profonde action de grâce est offerte. Allons-nous-en au nom de Dieu vers la porte qui est ouverte. Il est dur de quitter ce lieu où vous résidez dans votre tabernacle, et de reprendre le vieux chemin dans le sable et les herbes traîtresses et l'obstacle, et d'échanger la rumeur humaine au lieu de vos paroles éternelles. Mais nous vous adorons à cause de votre volonté qui est telle. Heureux qui a part à votre calice et à qui les cordeaux sont tombés dans votre sanctuaire, mais pour nous un long chemin encore nous reste à faire. Voici le monde extérieur où est notre devoir laïque, sans le mépris du prochain, avec amour du prochain si je le puis, sans violence et passion inique, observant les 10 commandements mieux qu'on voit que je ne le sus, faisant ma prière matin et soir et rendant à chacun ce qui lui est dû. Voici la terre tout entière sous le soleil et la lune qui amènent la nuit et le jour, la terre avec toutes ses productions, le ciel dessus et la mer qui est autour. Je crois que Dieu est ici, bien qu'il me soit caché, comme il est au ciel avec tous ses anges et dans le cœur de la Vierge sans péché. Il est même ici, dans la gare de chemin de fer et l'usine, dans la crèche, dans l'air et le chai. Louez le ciel et la terre, le Seigneur. Louez les œuvres du matin et du soir, le Seigneur. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Comme le clergé et les fidèles à chacune des 3 rogations s'en vont de bonne heure à travers la campagne en procession pour demander le bénisson de Dieu sur l'ouvrage des agriculteurs et sur les prémices des moissons, ainsi nous, en ce saint jour de l'Assomption, avançons-nous à la rencontre de la terre et de l'année arrivée à sa perfection, en ce jour de la parfaite maturité entre la récolte et la vendange, où toutes choses étant accomplies, Marie, Mère de Dieu, mourut au milieu des 12 apôtres et fut enlevée au ciel par les anges. Un grain de blé a produit 30 et l'autre 60 et l'autre 100 grains de blé, mais 60, 30 ou 100, le nombre est atteint qui ne sera plus dépassé. Toute chose est arrêtée, toute chose est consommée dans son fruit, toute semence est jugée dans la semence qu'elle a produit. C'est le jour du jugement où le Seigneur considère toute la terre et où l'intendant doit montrer ses comptes au propriétaire. Avançons-nous sans crainte au milieu de ces assises solennelles, considérant l'œuvre de nos mains et la bénédiction qui est sur elle, sachant que la figure de ce monde passe comme passe la moisson mûre, mais pour nous, nous sommes vos enfants et un certain commencement de votre créature. Notre tour viendra bientôt d'être rassemblé dans votre grange et dans votre aire, quand la gloire du Dieu vivant éclatera comme un coup de tonnerre, comme l'éclair qui brille à la fois de l'Orient jusqu'à l'Occident. Ainsi, le Fils de l'homme, quand il paraîtra sur les nuées pour juger les morts et les vivants, il placera les bons à sa droite, il placera les boucs à sa gauche. Seigneur, faites que je sois placé à votre droite et non point à votre gauche. Ce n'est point mon affaire de comprendre, mais de prier dans l'amour et le tremblement. Faites que je vous voie, Seigneur Jésus, avec ses yeux pleins de larmes dans le jour de votre second avènement. Allez, maudit, au feu éternel qui est préparé aux démons et à ses anges. Venez, les bien-aimés de mon Père, et que celui qui a faim et soif boive et mange. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Tous les saints anges et archanges, priez pour nous. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour nous. Tous les saints martyrs, priez pour nous. Tous les saints docteurs et confesseurs, priez pour nous. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour nous. Tous les saints et saintes, priez pour nous. Ne craignons donc rien ici-bas, car que nous ferons les hommes alors que le Tout-Puissant est avec nous? Et nous sommes plus que beaucoup de petits oiseaux dont on vend la douzaine pour un sou. Si le poids de l'air est lourd et si les hommes sont ennuyeux, cela passera bientôt. Et la part que tu souffres est peu. Ne sois donc pas en tracas de toi-même et de la chose que tu bois et manges, considérant les corbeaux qui ne labourent ni ne récoltent dans leurs granges et les lys des champs qui sont plus beaux que Salomon dans sa gloire. Peux-tu ajouter une coudée à ta taille? Le visage peut-il tromper le miroir? Ne sois donc pas tourmenté ni exalté en toi-même, mais cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste peut, à chaque jour, suffit sa malice. Et la vie est plus que le pain et le corps, plus que le vêtement. Je suis en paix avec tous les êtres qui sont sous le firmament. Déjà, la moitié de ma vie est faite et j'en suis acquitté pour toujours. Elle ne recommencera plus. Je vois devant moi le terme de la route et du jour. Voici devant moi, depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours, en une procession, tous les patriarches et les saints suivant l'ordre de leur génération. Abraham genuit Isaac, Isaac autem genuit Jacob, Jacob autem genuit Judam et fratres Jeius, et post multas generationes Jacob iterum genuit Joseph virum Mariae, de quid natus est Christus. Voici saint Pierre crucifié, et voici saint Paul, mon patron, qui écrivit les épîtres de la messe et qui eut la tête coupée sous l'empereur Néron. Voici Étienne, plein de grâce et de force, et tous les martyrs, des païens et des juifs et des hérétiques, dont les noms sont recensés au ciel et sur nos diptyques. Voici les définisseurs de la foi, voici les docteurs de tous les conciles. Les papes qui tinrent tête aux tyrans furieux et à la foule misérable et imbécile. Car vous ne nous avez pas ordonné de vaincre, mais de n'être pas vaincus, et de garder le dépôt intact de la foi que nous avons reçue. Voici l'immensité de tous mes frères vivants et morts, l'unanimité du peuple catholique, les 12 tribus d'Israël réunies et les 3 églises en une seule basilique. Voici le monde vaincu et Satan précipité. Voici Jérusalem qui est construite comme une cité. Voici la vision de la paix où toutes les larmes sont essuyées, la restitution des pauvres et le rafraîchissement des misérables. Je vois devant moi ces choses qui ne paraissent pas croyables. Voici tous les saints du calendrier, répartis sur les 4 saisons, les saints de glace et de braise, et ceux qui annoncent la sortie des bêtes et la fenaison, saint Médard et saint Barnabé, saint Crépin et Crépinien de Soissons, saint Martin et saint Vincent des Vignerons, sainte Macre de Fer en Tardenois, où est la fête de ce bourg, et Sainte-Luce en décembre, où le jour est le plus court. Le jour le plus long viendra, qui sera le jour de ma mort. Le jour de ténèbres viendra, où je passerai le seuil de la mort. En ce jour, que mon âme ne soit pas absorbée par le Tartare, et que le signifère Michaël la représente dans le sein d'Abraham. Mais que craindrai-je quand je vois en avant de moi les martyrs et tous ceux-là qui ont fait leur long devoir en silence, et le groupe de toutes mes mères et sœurs, toutes les nobles femmes qui sont mortes avec décence. Elles marchent devant moi avec une assurance modeste, et l'une parfois se retourne et me regarde de ses yeux pleins d'une lumière céleste. Anastasie et Apolline, Perpétue et Félicité, Éléphant et Mérentienne, aux yeux bleus, avec sa tête rouge et ses fauves cils baissés. Et le saint prêtre qui m'a confessé après ces années d'un triste délire. Je vois devant moi les parents morts qui me regardent avec un doux sourire, disant « Suis-nous, fils de notre sang, et recueille cet héritage qui est tien, et garde le serment de ton baptême et l'honneur de ton nom chrétien. » En arrière, je vois tout cela qui a commencé avec moi selon l'année, mois et jour, tout cela qui est continu avec moi et qui existe avec moi pour toujours. Je regarde et vois toutes mes années derrière moi et toutes mes actions bonnes et mauvaises, les mauvaises dont j'ai honte et les bonnes que je ne connais pas. Les mauvaises sont effacées par le sang du Christ et par la pénitence, et s'il fut quelque bien de fait, que Dieu lui donne croissance. Je vois derrière moi les choses que j'ai faites, et voilà qu'elles commencent à vivre. L'herbe qui pousse et les générations qui se lèvent pour me suivre, je donne la paix, je ressens sur moi la paix de tous mes frères anonymes, qu'ils grandissent avec moi dans vos biens comme croissent les moissons unanimes. Comme au pays de ma naissance s'étendent les immenses moissons égales, là où l'Oise et l'Aisne, sans un frisson, s'unissent comme deux époux dans le profond amour conjugal. Je vois ma femme près de moi, et je vois mon enfant, clair et triomphant, qui donne de grands coups de pied dans son berceau et qui rit aux éclats dans le soleil levant. Il gazouille au soleil levant, son petit cœur tout rempli d'une joie innocente. Parce que Dieu ne l'a point créé pour la mort, mais pour la vie de la vision vivante. Nous vous louons, Seigneur, nous vous bénissons, nous vous adorons, nous vous rendons grâce à cause de votre grande gloire. Je vous rends grâce tout debout, les deux pieds sur ce sol qui m'a produit, en ce jour qui n'est pas hier ni demain, mais aujourd'hui. Je crois, sans y changer un seul point, ce que mes pères ont cru avant moi, confessant le Sauveur des hommes et Jésus qui est mort sur la croix, confessant le Père qui est Dieu, et le Fils qui est Dieu, et le Saint-Esprit qui est Dieu, et cependant non pas trois dieux, mais un seul Dieu, et le Père qui est éternel, et le Fils qui est éternel, et le Saint-Esprit qui est éternel, et cependant non pas trois éternels, mais un seul Dieu éternel, et le Père qui engendre, et le Fils qui est engendré et qui vit, et le Saint-Esprit qui n'engendre ni n'est engendré, mais qui procède du Père et du Fils. Shanai Kwan, 1907. Ici se terminent 5 grandes odes, suivies d'un processionnal de Paul Claudel.